comprendre la Chine par son histoire. Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Carl Derry. Il me fait extrêmement plaisir de vous accueillir à nouveau cette semaine pour la deuxième émission de Prendre la Chine par son histoire. C'est une émission qui est entièrement consacrée à la Chine, son actualité, mais surtout son histoire. On a parlé brièvement la semaine dernière d'un imposant défilé militaire qui a été organisé en Chine le 3 septembre dernier, afin de célébrer la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ce qu'on appelle en Chine la victoire du peuple chinois dans sa guerre de résistance contre le Japon et la victoire mondiale contre le fascisme. Comme il fallait s'y attendre, des reportages ont essaimé sur toutes les tribunes avec des titres racoleurs du genre « La Chine peut-elle devenir le maître du monde ?»« La Chine défie-t-elle les États-Unis ?» ou encore « Xi Jinping se voit au centre du monde ». Évidemment, on l'a dit la semaine dernière, l'émission que je vous propose, c'est d'abord un cours d'histoire. Il n'est pas question que je m'aventure ici avec des slogans, avec des pronostics ou des interprétations futuristes pour tenter de rivaliser avec de tels slogans. Par contre, il demeure important d'offrir quelques précisions sur des éléments factuels, des éléments qui sont essentiels si on veut être en mesure d'offrir une lecture juste qui porte aussi sur le monde contemporain. N'oublions jamais que l'étude de l'histoire, ce n'est pas une fuite dans le passé. L'étude de l'histoire s'écrit toujours depuis le présent. Mais surtout, n'oublions pas qu'aujourd'hui, plus que jamais, fait autant partie de l'histoire qu'hier, puisque l'histoire s'écrit aujourd'hui pour demain. Donc, le défilé militaire auquel on a eu droit d'assister la semaine dernière a été présenté, parfois, comme la cerise sur le sundae qui venait clore une importante rencontre diplomatique de ce qu'on nomme l'Organisation de coopération de Shanghai. Cette organisation doit être distinguée d'une autre organisation dont on parle régulièrement dans les médias, et j'ai nommé les BRICS+, BRICS+. Je vais donc prendre quelques minutes en commençant aujourd'hui pour clarifier brièvement la distinction entre les deux. D'abord, les deux organisations ont quelques points en commun. Principalement, on note le fait qu'il s'agit d'organisations dans lesquelles la Chine y joue un rôle central. On peut dire aussi, dans les deux cas, la coopération entre les pays membres se fonde bien souvent davantage contre un ennemi commun, représenté soit par les États-Unis, l'Occident, l'OTAN ou le G7, qui sont dépeints comme les garants de l'ordre international actuel. Ce sont donc des organisations dont la coopération se fonde davantage à partir d'une némésis commune, plutôt qu'en fonction des intérêts individuels qui sont partagés entre ses membres. Pour ce qui est des différences, mentionnons que l'Organisation de coopération de Shanghai résulte initialement de la collaboration entre la Chine et la Russie, au sujet de leurs préoccupations communes concernant l'évolution géopolitique en Asie intérieure, surtout depuis l'écroulement de l'URSS. En effet, mis à part la Chine et la Russie, les premiers pays qui ont été impliqués dans l'Organisation de coopération de Shanghai au début du 21e siècle, étaient tous d'anciennes républiques au sein de la défunte URSS, à savoir le Kazakhstan, le Kirghizistan, l'Ouzbékistan et le Tadjikistan. Puis, d'autres pays sont venus s'ajouter avec le temps, incluant l'Inde, le Pakistan, l'Iran et même plus récemment le Bélarus. L'autre organisation qu'on nomme maintenant les BRICS+, se fonde davantage sur une perspective de développement économique. C'est un regroupement de pays qu'on dit « émergents » qui se sont alliés pour faire front commun à la domination américaine sur les instances internationales, particulièrement au niveau économique. Le BRICS comprenait initialement le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine depuis 2009, avec l'ajout de l'Afrique du Sud en 2011, South Africa en anglais, d'où le S de l'acronyme. Puis le plus s'est ajouté avec d'autres pays qui sont venus se greffer à l'organisation avec le temps, incluant l'Égypte, les Émirats arabes unis, l'Éthiopie et l'Iran en 2024, ainsi que l'Indonésie en 2025. Alors que l'Organisation de coopération de Shanghai mise davantage sur les questions de sécurité touchant le continent asiatique, les BRICS Plus visent principalement à faire contrepoids aux politiques économiques du G7. Dans les deux cas, par contre, les organisations sont parvenues à fédérer plusieurs pays à partir de leur insatisfaction face à l'ordre international, autour d'une cause commune, le renversement de l'équilibre mondial actuel. Ces deux organisations ont un poids considérable sur la scène internationale, tant sur le plan démographique qu'en termes de proportion dans l'économie mondiale. Cependant, la collaboration et l'entente sont loin d'être garanties sur tous les sujets au sein de ces organisations. Les pays membres s'entendent peut-être sur l'identité de leur ennemi commun, mais ils sont loin de s'entendre sur les sujets qui les touchent spécifiquement, et plusieurs s'interrogent même sur la solidité des liens qui se créent. Ce sont évidemment des organisations au sujet desquelles nous aurons à reparler très certainement au cours des prochaines semaines, voire au cours des prochains mois. Mais d'ici là, revenons à notre cours d'histoire. Comme je l'ai expliqué brièvement la semaine dernière, c'est aujourd'hui qu'on débute ensemble notre périple à travers l'histoire de la Chine, des origines jusqu'à aujourd'hui. Il nous reste aussi quelques considérations méthodologiques à mentionner avant de pouvoir se lancer de plein fouet dans ce périple. Toutefois, pour bien donner le ton à la rencontre d'aujourd'hui, commençons par une pièce musicale. Il s'agit d'une chanson que j'ai découverte récemment, interprétée par le chanteur Ta Chuang. C'est une chanson qui semble très en vogue depuis quelques années et elle s'intitule « Woman Puyang », qui signifie littéralement « Nous ne sommes pas pareils », bref, « Nous sommes différents ». 兄弟，有谁比我更了解你？太多太多不容易，磨平了岁月和脾气。时间转眼就过去，这身后不散的宴席，只因为我们还在，心留在原地。张开手，需要多大的勇气，这片天你我一起撑起，更努力只为了我们想要的明天，好好的这份情好好珍惜。我们不一样，不一样，每个人都有不同的境遇，我们在这里，在这里等你。我们不一样，虽然会经历不同的事情，我们都希望来生还能相遇。这么多年的兄弟，有谁比我更了解你？太多太多不容易， 平了岁月和脾气，时间转眼就过去，这身后不散的宴席，只因为我们还在，心留在原地，张开手需要多大的勇气，这片天你我一起撑起，更努力只为了我们想要的明天，好好的这份情好好珍惜，我们不一样，每个人都有不同的境遇，我们在这里，在这里等你，我们不一样，虽然会经历不同的事情，我们都希望来生还能相遇。我们在这里，在这里等你，我们不一样，虽然会经历不同的事情，我们都希望来生还能相遇，我们不一样，虽然会经历不同的事情，我们都希望来生还能相遇，我们都希望来生还能相遇。 On vient tout juste d'entendre le chanteur Ta Chuang qui nous interprétait une pièce intitulée Woman Puyang. Nous sommes différents. C'est donc le thème à partir duquel je vais débuter notre cours d'histoire sur la Chine. La chanson qu'on vient d'entendre peut être interprétée à différents niveaux de lecture. On peut, par exemple, comme dans le texte de la chanson, souligner les différences entre les individus qui constatent, avec le temps qui passe, que malgré ce qui les divise et les distingue, malgré leurs oppositions, ils sont capables de vivre un objectif commun. De mon côté, comme j'enseigne l'histoire, il m'apparaît essentiel de rappeler que l'histoire, ce n'est pas une science objective. Malgré le fait que certaines idéologies politiques tentent parfois de nous faire croire le contraire. Je crois bien sûr qu'il faut faire un effort d'objectivité lorsqu'on enseigne l'histoire. Au sens où l'entendait l'historien français Henri-Irénée Marou en 1954 lorsqu'il parlait d'honnêteté intellectuelle. L'histoire telle que je la conçois, c'est un effort scientifique qui produit une représentation reflétant la perspective de celui qui l'énonce. Puisque nous sommes tous et toutes différents, comme le chantait à l'instant Ta Chuang, Woman Puyang, il est tout à fait normal de constater que ma perspective sur l'histoire de la Chine puisse être différente d'une autre perspective qu'on pourrait trouver ailleurs. Avant de plonger dans l'histoire de la Chine à proprement parler, il me reste donc quelques petites précisions à apporter au sujet de quelle histoire je vais raconter au juste. En fait, je dois surtout prendre quelques minutes pour expliquer ce que je ne ferai pas dans le cadre de cette émission. D'abord, je n'ai aucunement l'intention de faire semblant de vouloir rivaliser de connaissances avec Google. Je ne suis pas là non plus pour tenter de raconter tout ce qu'il y aurait à savoir sur tous les sujets du monde en histoire de la Chine. Je ne vais pas non plus tenter de vous offrir une autre trame sonore de Wikipédia machin chose telle qu'on en retrouve déjà à profusion sur toutes les plateformes audio et vidéo de ce monde. On va suivre ensemble, au fil des semaines, une trame chronologique, des origines à aujourd'hui. Mais je ne vais pas pour autant énumérer au micro toutes les dynasties et tous les souverains qui se sont succédés à travers l'histoire. Je suis pas là, ici non plus, pour essayer de vous faire croire que je connais toutes les dates et tous les noms de tous les événements de l'histoire de la Chine, ce qui est, à mon sens, sans intérêt. Comme le disait ce cher monsieur de Waal en Histoire de l'Europe moderne, pour les dates précises, on peut toujours se référer aux encyclopédies. L'histoire est une représentation parmi plusieurs possibilités du réel. Je raconte une trame parmi plusieurs, un récit, une perspective. On pourrait le voir comme un fil, une corde principale que je tresse, permettant d'organiser une compréhension de l'histoire. Un fil conducteur à partir duquel vous devriez être en mesure de broder et de tisser par la suite votre propre compréhension de l'histoire plurimillénaire de ce pays, à partir de toute une série d'images et d'informations. L'histoire de la Chine qu'on va présenter sera découpée en connexions significatives, et celles-ci formeront un récit que nous découvrirons ensemble au fil des semaines. Ce que j'ai à offrir, c'est une perspective, un regard particulier sur l'histoire de la Chine, un regard qui est le mien. L'esprit de synthèse caractérise l'ensemble de ma démarche. J'offre ici une compréhension de l'histoire, ma compréhension de l'histoire, à partir de recherches personnelles, des recherches qui s'appuient sur un ensemble de connaissances disparates, constitué au fil du temps par les travaux de recherche, par les livres publiés par des spécialistes sur le sujet, ce qu'on appelle dans le jargon l'historiographie. Il existe plein de sources qui nous parlent de la Chine lorsqu'on est à l'extérieur de celle-ci. Alors, quoi choisir pour bien comprendre? Quelles sources sont fiables et comment déceler les préjugés, comment déceler les arrière-pensées qu'elles contiennent? À qui pouvons-nous nous fier pour parler de quel sujet? Nous dépendons continuellement des travaux faits par des spécialistes, ainsi que des connaissances léguées par nos prédécesseurs sur différents sujets, cela va de soi. Mais n'oublions pas que les sources d'information, quelles qu'elles soient, ne sont jamais complètement désintéressées. Il existe d'importantes divisions idéologiques au cœur de la plupart des informations qu'il nous est possible de trouver au sujet de la Chine, et ce, depuis fort longtemps. Qu'on se plonge dans un livre, une page web, un reportage ou une nouvelle d'actualité, la volonté de connaître vient toujours avec quelques risques. Les historiens, les spécialistes, voire les différents commentateurs de la Chine n'échappent pas aux querelles idéologiques qui divisent le monde, entre les pourfendeurs de la Chine et les défenseurs de sa culture exceptionnelle. Il existe une polarisation radicale de laquelle il faut se méfier. On dit souvent qu'il faut se méfier des extrêmes, et c'est encore plus vrai en histoire, surtout en histoire de la Chine. Cela étant dit, le récit que je vous propose ressemblera à un essai d'interprétation, un essai qu'on peut voir comme une boussole que je vous offre, un guide permettant de naviguer et de cheminer à travers le maelstrom d'informations qu'il est possible de rencontrer au sujet de la Chine et au sujet de son histoire. Bref, je vais raconter ici l'histoire de la Chine comme s'il s'agissait d'un miroir de notre propre regard sur le monde. J'ai eu la chance et le privilège de pouvoir étudier la Chine, faire des recherches sur son histoire et l'enseigner depuis une vingtaine d'années. Et c'est en quelque sorte le fruit de ces expériences diverses qui sera au cœur de ce cours d'histoire qui sera diffusé à la radio de CFOU 89.1 FM. Je reviendrai la semaine prochaine brièvement sur la signification du titre choisi pour ce récit historique que j'intitule « L'histoire de Chine à dos de tortue ». Mais pour le moment, commençons notre plongée dans les profondeurs de l'histoire. Sur le plan de la chronologie, il existe de nombreuses façons de découper l'histoire de la Chine en différentes périodes. On la découpe souvent à partir des dynasties, parfois à partir de systèmes que l'on reconnaît. Mais ici, nous découpons l'histoire en trois vastes périodes afin de simplifier le propos. La Chine ancienne, la Chine moderne et la Chine contemporaine. Ce que j'appelle la Chine ancienne va des origines du monde jusqu'à la fin du 10e siècle environ, correspondant à la fin de la dynastie Tang. La Chine moderne débute au tournant du 11e siècle, ce qui correspond à la dynastie Song, et se rend jusqu'à la fin de la dernière dynastie impériale, soit la dynastie Qing. Puis, la Chine contemporaine correspond au 20e et 21e siècle, soit depuis l'établissement de la République de Chine en 1912, pour se rendre jusqu'à aujourd'hui. Comme j'ai expliqué la semaine dernière, cette émission sera entrecoupée de pièces musicales. Et comme vous vous en doutez bien sûr, le répertoire musical de la Chine est très vaste, entre les musiques plus traditionnelles et celles plus contemporaines. C'est certain que je vais surtout faire jouer de la musique qui me plaît, mais je vais aussi choisir des pièces dans l'optique de faire découvrir différents styles et surtout différents instruments qui caractérisent l'histoire de la musique en Chine. Chaque semaine, donc, je vais tenter de varier entre des pièces plus contemporaines et d'autres qui serviront à présenter et à faire connaître des instruments, des mélodies traditionnelles chinoises. Aujourd'hui, on va commencer avec un instrument à cordes, un instrument qui est parmi les plus représentatifs de la musique chinoise traditionnelle, dont les premières traces remonteraient à l'époque des royaumes combattants, soit entre le 5e et le 3e siècle. Le 5e et le 3e siècle avant notre ère. L'instrument en question se nomme le Gucheng. C'est un instrument qui ressemble à une cithare allongée qui serait couchée sur une table. L'instrument contient une vingtaine de cordes, et on retrouve des versions de cet instrument ailleurs en Asie, dans les pays limitrophes de la Chine, et incluant le Japon, sous le vocable de koto. La pièce que je vous propose d'écouter s'intitule « Sumuja ». C'est une chanson qui a été composée en 2012 et qui reprend des thèmes de la poésie lyrique qui avait cours à l'époque de la dynastie Tang, évoquant alors ses relations avec l'Asie intérieure. La pièce est donc interprétée au Gucheng par l'interprète Cui Tianhui. Voici donc Su Muzhe. Thank you. Vous êtes de retour à l'antenne de Prendre la Chine par son histoire, Carl Derry au micro. Je vous rappelle ce que j'ai mentionné la semaine dernière, l'apprentissage des technologies est quelque chose avec lequel je dois négocier à chaque semaine. Donc, il se peut qu'il y ait des petits accrochages au début des pièces, comme on vient d'entendre, parlant de m'habituer justement aux technologies. Je vous reviens dans quelques secondes après la prochaine pub.